mon coron a coupé la papa. Matin et la racombo na yoé. Matin et la racombo ya papa. Matin et la racombo ya maman. Matin et la racombo ya chérie. Gaina kobika chérie. Maladie kosi la mama. Mama nanga nawe.